de blessure que ne peut mourir. Un oiseau n'en serait pas mort. Ce n'est donc pas vous qui l'avez tué, mon bon Seigneur. Ne vous désolez pas ainsi, et puis il n'est pas dit que nous ne la sauverons pas. Non, non, il me semble que nous nous taisons trop malgré nous dans la chambre. Ce n'est pas un bon signe. Regardez comme elle dort lentement, lentement. On dirait que son âme a froid pour toujours. J'ai tué sans raison. Ce n'est pas faire pleurer les pierres. Ils s'étaient embrassés comme des petits enfants. Ils étaient frères et sœurs. Et moi, tout de suite, je l'ai fait malgré moi, voyez-vous. Je l'ai fait malgré moi. Attention, je crois qu'elle s'éveille. Celle-ci mérisante. C'est pour voir. Est-ce que l'air de la mer n'est pas trop froid ce soir? Il ne faut pas t'effrayer, il il ne te veut pas le moindre mal, sois-en sûre. Si tu as peur, il s'en ira. Il est très malheureux. Qui est-ce? C'est ton mari, c'est Golo. Golo est ici. Pourquoi ne vient-il pas près de moi? J'ai pitié de toi, Mélisande, me pardonnes-tu, Mélisande? Oui, je te pardonne. Fais tant de mal, Mélisande. Je ne puis pas te dire le mal que je t'ai fait. Mais je le vois si clairement aujourd'hui, et depuis le premier jour. Et tout est de ma faute, tout ce qui est arrivé, tout ce qui m'a arrivé. Comme je vois tout, je vois tout. Mais je t'aimais tant, mais maintenant quelqu'un va mourir, c'est moi qui vais mourir. Et je voudrais savoir, je voudrais te demander, tu ne m'en voudras pas. Il faut dire la vérité à quelqu'un qui va mourir. Il faut qu'il sache la vérité, sans cela, il ne pourrait pas dormir. Jures-tu de dire la vérité? Oui. As-tu aimé Pélias? Mélisande, dis-moi la vérité, pour l'amour de Dieu. aussi après toi. Il nous faut la vérité, il nous faut enfin la vérité. Entends-tu? Dis-moi tout, je te pardonne tout. Je pardonne tout, mais je ne le savais pas. Tu le sais maintenant, il est temps, vite, vite, la vérité, la vérité. Qu'est-ce que toutes ces femmes viennent faire ici? Ce sont les servantes. Qui est-ce qui les a appelées? Ce n'est pas moi. Que venez-vous faire ici? Personne ne vous a demandé. Que venez-vous faire ici? Mais qu'est-ce que c'est donc? Répondez! Sous-titrage Société Radio-Canada. N'est pas ici, Golo. Il lui faut le silence maintenant. terrible, mais ce n'est pas votre faute. C'était un petit être si tranquille, si timide, si silencieux.